Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter ce numéro 2 de Dialogue d'auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes. Pour cette première fois en public, nous avons eu la chance de recevoir Sophie Yette et Antares Bassis, créateurs de la série Trépalium, bientôt sur Arte, et Frédéric Azémar, créateur d'Odysseus, scénariste sur Un village français, Les Bleus, entre autres. Ce numéro a été réalisé en partenariat avec la Guilde française des scénaristes et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et enregistré à la Maison des auteurs SACD. Un merci tout particulier au public venu nous écouter en direct, parmi lesquels des scénaristes guildiens et des membres de Séquence 7, mais aussi à In The Blix pour le matériel. Très bonne écoute et à très bientôt. Antares Bassis, Sophie Yette et Frédéric Azémar. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que le métier de scénariste existait ? À partir de quand vous vous êtes dit que c'était ce que vous vouliez faire ? Sophie, peut-être ? Alors je ne sais pas quand je me suis rendu compte que c'était un métier. Je sais que je voulais faire du cinéma assez tôt, que... Étant très disciplinée, j'ai regardé les écoles qu'il fallait faire, j'ai vu la FEMIS, je voulais évidemment être réalisatrice parce que quand on ne sait pas trop, voilà. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place, je me suis dit je vais être hyper maligne, je vais faire scénario, je vais tenter en scénario parce qu'il y a moins de demandes. Et puis j'ai tenté scénario et en réalisant les films de première année, je me suis dit la réal c'est pas du tout pour moi et je me suis trouvée dans l'écriture comme ça en fait. Comment tu t'es rendu compte que la réalisation c'était pas pour toi ? C'était les premières réalisations, tu t'es dit c'est... Déjà de diriger les comédiens et tout, horrible, de parler au chef-op, horrible, j'étais incapable d'avoir ce langage-là, donc voilà. Et toi Antares ? Est-ce qu'il y a une série où tu t'es dit « Ah mais c'est écrit par quelqu'un en fait ?» Bah un petit peu, parce que en fait, moi je viens d'une culture américaine, je suis d'origine américaine, donc j'étais un peu baigné dans le monde des séries, et il se trouvait que j'ai vécu l'avènement d'HBO, des premières séries, du Larry Sanders Show, de Seinfeld et Dream On et tout ça, et du coup en fait j'identifiais des auteurs, mais moi au départ je voulais vraiment... être réalisateur, et je suis réalisateur, voilà. Mais au bout d'un moment, pour raconter les films, je me disais, mais il faut aussi raconter des histoires, parce que, voilà, il faut voilà, et que c'était très important de ça. Donc, effectivement, je me disais, j'ai des idées, il faut que je structure ça, il faut que j'apprenne à le faire, et il faut que je rencontre aussi des personnes qui m'aident à le faire. Voilà, donc du coup, c'est comme ça que je me suis dit, mais où est-ce qu'on peut trouver des choses comme ça ? Et il y avait des écoles, et c'est comme, voilà, je suis allé à la FEMIS, j'ai rencontré Sophie Yette et d'autres scénaristes, et après, je me suis aussi mis à écrire en essayant d'apprendre à écrire. Voilà. T'es parti très tôt des États-Unis ou... Bah, en fait, j'y ai très peu vécu. D'accord. Mais j'avais une culture. Américaine parce que ma mère est américaine et en fait j'ai vécu de 3 à 6 ans mais il y avait ce côté de je me suis toujours senti proche de la culture américaine et effectivement par exemple c'est pas pour rien que voilà on arrive à Trépalium, j'étais très grand fan de Star Trek. D'accord. Donc du coup j'ai l'impression d'avoir vécu un peu avec cette série là au tout départ, et puis après bien d'autres, voilà, par la suite. Et toi, Frédéric, ton premier rapport à l'écriture, c'était quoi ? En tout cas, la première fois où j'ai un peu pris conscience qu'il y avait des scénaristes, la toute première fois, c'était Stéphane J. Cannell à la fin des séries américaines dans les années 80. J'étais à sa feuille de papier. Voilà, c'était assez impressionnant, c'est une image qui restait. Mais j'avais quand même dans l'idée que c'était pas un marché en tout cas, les scénaristes, qu'il y avait peut-être 4 scénaristes qui faisaient tout ce qu'on voyait à la télé. J'ai aucune idée de comment ça fonctionnait et combien de gens il pouvait y avoir pour écrire tout ça. Et j'ai pris conscience de ça, c'est très daté, c'est en ma dernière année scolaire en 99-2000, où j'ai un peu traîné dans les boîtes d'animation parce que j'avais des amis qui étaient dans l'animation à l'époque. Et je me demandais encore ce que j'allais faire comme métier. Et c'est là que j'ai rencontré donc des producteurs qui... m'ont fait comprendre qu'ils cherchaient des nouveaux scénaristes, des nouveaux talents. Et j'ai découvert qu'il y avait un marché, qu'il y avait des gens qui travaillaient quotidiennement dans ce milieu-là en tant que scénariste. Et moi qui voulais à la base et qui veux toujours écrire des romans, je me suis dit, bon, roman ça paye pas, c'est pas un métier, donc je vais écrire des scénarios et comme ça je pourrais apprendre la dramaturgie en gagnant un peu d'argent et c'est comme ça que j'ai commencé. Et tu dis que tes premiers contacts ça a été avec l'animation, ça veut dire que les premiers boulots que tu as eu c'était dans l'animation, c'était quoi exactement ? J'ai travaillé sur 2 séries en animation, une qui s'appelait Frog et Fou Furet, qui est un cartoon produit par Ellipse Anime, et une série qui s'appelait Lila Lily, qui a été diffusée sur TF1, qui a été créée par mon plus vieil ami qui remonte au collège, et avec qui j'ai co-créé plus tard une série qui s'appelle Molusco, ou Boyster en anglais, qui est une série franco-américaine. Qui est en production là, non ? Qui est en diffusion. Qui est en diffusion. Ouais, depuis le mois de juin, et qui va arriver sur France 3 bientôt. J'ai oublié ta question. Non, par rapport à l'animation, les premiers boulots en animation. Ouais, donc voilà, j'ai fait ces deux boulots-là pendant à peu près un an et demi, puis après j'ai rencontré un scénariste qui s'appelle Robin Baratto, qui est toujours assez établi en télé, avec qui on a sympathisé. J'ai rencontré sur un forum de scénario ou un site de scénario. Qui s'appelle comment Non, j'ai oublié. C'était un site qui était tenu par Philippe Perret. D'accord. Mais le nom exact du site, j'ai oublié. On a sympathisé, je lui ai fait lire des choses que j'avais faites. Et il m'a dit, laisse tomber l'animation, c'est le bordel. J'ai dit, moi je veux bien, mais je connais rien ni personne en prime. Et donc il m'a mis en contact avec son agent, que j'ai rencontré, qui est devenu mon agent par la suite. Et ça fait 12 ans maintenant. D'accord. Donc c'est par le biais de Robin que tu as eu un agent, en fait. Exactement, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, en quelque sorte. Votre premier contact avec un agent, c'était quoi, Antares et Sophie? Parce que le truc délicat avec un agent, c'est qu'on en aurait besoin quand on n'a pas de travail, quand on débute et qu'on n'a pas de travail, mais c'est plus facile d'en obtenir un si on a déjà quelque chose. Oui, bah moi ça s'est passé plutôt facilement parce qu'ayant fait la FEMI, c'est que c'est quand même très respecté, voilà, j'ai trouvé très vite un agent. Et voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Tu l'as fait lire des specs. Oui, j'avais fait lire mon travail de fin d'études, qui est un long métrage à la FEMIS. Et je réfléchis. Non, je crois que j'avais vraiment rien fait, en fait. Et du coup, ça s'est amorcé comme ça, en fait. Ouais. D'accord. Et toi, Antares ? En fait, c'est... À un moment donné, j'ai eu une jeune agent qui travaillait dans la même agent, enfin, qui était le même agent que... qu'avait Sophie, du coup, comme on était sur un projet de long métrage, au bout d'un moment, il fallait un peu concrétiser les choses, mais finalement, ça n'a pas plus pris que ça. Et c'est une fois que j'ai fait mes deux moyens métrages que j'ai rencontré une nouvelle agence qui s'était créée depuis peu, des anciens de la SACD, que c'était Quelle belle histoire. Et donc, du coup, ils étaient intéressés aussi bien par l'univers créatif que d'écriture. Voilà. D'accord. J'ai envie de revenir sur votre méthode de travail à tous les deux. Je sais que dans les couples de travail, c'est toujours un petit peu différent. Il y a des personnes qui préfèrent travailler ensemble, d'autres qui travaillent chacun de leur côté, qui mettent en commun, d'autres qui juste préparent ensemble et après écrivent séparément. C'est quoi votre méthode un petit peu, vous deux ? Bah, à la base, c'est vraiment de travailler ensemble. C'est vraiment des réunions qui peuvent prendre toute la journée, de ping-pong, de brainstorming, comme on dit. Enfin non, c'est vraiment ensemble. Au départ, je dirais, enfin, ça se passe toujours comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, on part en rédaction. J'envoie ensuite à Antares qui prend des notes, qui reprend, et après on rediscute. Enfin, c'est vraiment, je dirais qu'à la base, c'est vraiment ensemble de discuter. Et ensuite, quand on rédige, j'ai beaucoup, beaucoup d'allers-retours, en fait, pour confronter. Au contraire, quoi, d'être deux, pour nous, c'est vraiment très important. Le travail en solo, moi, je suis de plus en plus convaincue qu'il faut être au moins deux, quoi. Ça ouvre forcément des pistes. Enfin, déjà, on est complémentaires dans les approches, même dans les thématiques. Dans la connaissance de certains genres ou certains mécanismes. Donc, moi, c'est assez essentiel. Même si dans l'écriture, devant l'ordi, par contre, j'aime bien être seule. Enfin, oui. Il y a un moment où partager la rédaction, c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais en tout cas, de se confronter à un regard extérieur ou autre, ça me semble vraiment être. Et comment ça se passe ? C'est toujours toi qui fais la première version et ensuite Antares qui rebondit dessus. D'accord. Pourquoi ? C'est pour peut-être le côté réalisateur, le côté apport visuel. Parce que c'est né de notre collaboration, elle est née comme ça, c'est-à-dire que Antares étant avant tout réalisateur, on a fait deux moyens métrages ensemble. C'est moi qui avais dirigé la plume, on va dire, le long métrage aussi, mais sachant qu'on construit vraiment tous les deux. Voilà, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure des années. Puis après, je suis un peu chiante, quoi. J'aime pas trop. Non, mais après, c'est compliqué parce qu'à partir du moment où on rentre dans un processus d'habitude, parce que du coup, il faut trouver nos marques aussi, comment ça fonctionne. Effectivement, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'installe et quand ça marche, après, on n'a pas tellement envie de trop bousculer ça. Oui. Mais effectivement, on a toujours eu ce rapport de. Enfin, ouais, effectivement, moi, je pensais que je venais avec un univers visuel, avec une vision, voilà, que j'ai du mal un peu à détacher d'une vision de film, voilà, cinématographique en tout cas. Et du coup, c'est vrai que l'idée de confier ça et même de partager ça avec Sophie, on a commencé dans ce binôme-là de travail, toujours d'être dans ce jeu de ping-pong, de rédaction, de relecture, et puis de rédiger, voilà, d'être en permanence sur ce fil-là, quoi. Après, je pense que le fait que ça soit que le binôme s'est installé et a perduré dans le temps, finalement, on s'est laissé figer un peu dans ce processus d'écriture, même si on essaye aussi d'évoluer et de prendre des risques autrement, quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ? 14 ans. Oh punaise. 14 ans, ouais. Voilà. Donc on a un vrai binôme. Voilà. Donc ça va, vous entendez bien au niveau professionnel, il n'y a pas de problème alors ? Oui et non, quoi, parce qu'il y a des fois où on peut aussi. non, mais on s'entend très bien. Dis-moi en plus. On s'entend très bien, mais après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des. Enfin, on se connaît très bien et on connaît aussi très bien aussi qu'il faut aussi pousser l'autre personne ou l'encourager on se connaît très bien aussi comme un couple, c'est-à-dire, on connaît nos qualités, nos choses qu'on n'ose pas trop dire, mais que du coup il faut quand même pousser pour le dire. Voilà, donc effectivement c'est vivant, en tout cas une relation de binôme, c'est pas voilà. Quand vous avez une idée, vous vous dites celle-là il va pas l'aimer, va falloir que j'insiste lourdement pour la faire passer, ou comment ça se passe? Non, mais bien sûr, parfois on a des idées et l'un et l'autre et ça ne convient pas, ou du coup il faut convaincre aussi l'autre personne. Parfois il faut être aussi dans une sorte de processus de compromis, parce qu'on se dit bon voilà, ça c'est ton idée et puis plus tard il y aura la mienne. Mais Non, mais enfin, parce que ça fait un peu négatif comme ça, mais ça se passe. Enfin, moi, je trouve pas que ça se passe comme ça. C'est ce qui est hyper bien, c'est que comme on se connaît par cœur, on sait les forces et les faiblesses de chacun. Ça, je trouve ça vraiment hyper important dans un binôme d'être complémentaire et même ça fait du bien, c'est confortable, quoi, de se dire bon bah là, je le sens pas trop, mais du coup, c'est Antares qui va apporter cette part-là. Après, les idées, on sait très bien, on balance une idée, elle peut être pas terrible, mais ce qui est génial, c'est que maintenant, avec l'expérience, on sait que cette idée peut mener à autre chose. Donc on va dire ok, alors ça c'est un peu pourri, mais par contre il y a ce truc là, il faut creuser, là il y a quelque chose, et du coup ce qui est vraiment bien, c'est que comme on se connaît par cœur, on peut tout dire et on sait aussi comment ça se passe, et du coup on peut même balancer une idée dont on sait qu'elle est peut-être un peu pourrie, mais que ça va amorcer la réflexion, et voilà, c'est plutôt c'est très positif tout ça. Frédéric, tu viens de travailler en collaboration avec un autre scénariste sur c'est la série Intrusion, c'est ça ? Avec deux scénaristes. Comment ça s'est passé justement, la collaboration là-dessus ? Est-ce que vous vous parlez toujours ? On fait une pause là en ce moment. Ouais. Parce qu'on a enchaîné, un an, enfin 2 ans sur Intrusion et 1 an sur Kabul Kitchen. Ouais. Donc on laisse passer un peu de temps là, mais on s'adore. Et ça s'est passé étonnamment très très bien. Parce qu'on est à la fois tous dans la même direction, et en même temps chacun avec des qualités un peu comme vous, hein, des qualités propres, mmh. Et chacun un peu son domaine d'expertise. Donc ça s'est très très bien passé, et on recommencera. C'est une adaptation d'une nouvelle de Philippe K. Dick, c'est pas ça ? Du tout. Non ? Non, c'est quoi parce que ça aurait été extrêmement compliqué de choper les droits, je pense. Ouais. Non, c'est simplement, non, c'est simplement des motifs et des thématiques qui sont philippiennes, mais une histoire totalement originale. C'est plus comme un hommage qu'une adaptation. Voilà. C'est vachement différent de Kabul Kitchen, du coup, au niveau de... Ouais, ouais. Et c'est bien de faire des choses différentes. C'est une question qui va rebondir après sur Antares et Sophie, mais comment on vend de la science-fiction en France ? Alors pour le coup, c'est l'aspect fantastique de Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, il a deux grandes thématiques. Une sur qu'est-ce que la réalité, et l'autre sur qu'est-ce qui fait qu'on est humain. Et là, on est vraiment sur l'interrogation sur la nature de la réalité, donc plus dans le côté fantastique de Philip K. Dick. Et d'ailleurs, c'est un auteur qui, je fais une parenthèse, mais qui a une de ses particularités, c'est de mélanger de la science-fiction et des éléments fantastiques. Et donc là, on est vraiment dans cet univers-là. Donc c'est plus quelque chose qui est dans des thématiques proches de Truman Show ou de L'échelle de Jacob ou de Matrix, sans l'aspect SF. Que de l'ASF pure. Et comment vendre l'ASF? Moi, j'en ai pas vendu encore, donc je sais pas. On va demander ça à Sophie Antares. C'est compliqué, c'est beaucoup plus facile sur les chaînes qui sont un peu ambitieuses et qui ont des envies de faire des choses différentes, comme Arte. Je crois savoir qu'il y a des projets fantastiques en développement un peu partout, mais voilà, il y a aussi différents degrés de fantastique et différents types d'implication dans le fantastique, différents types d'ambition dans le fantastique. Ça peut être un prétexte, oui. Comme ça peut être quelque chose qu'on explore vraiment, donc fantastique et science-fiction, bien sûr. Donc voilà, pour répondre à la question, je pense que c'est mieux que ce soit eux qui le fassent. On va pas y répondre parce que nous, c'est vraiment pas de la science-fiction, c'est de l'anticipation. Et c'est vrai qu'il y a souvent une confusion, mais ça n'a rien à voir puisqu'on n'est pas du tout dans un délire futuriste d'effets spéciaux qui coûte hyper cher. Nous, on a juste vraiment, avec Trépalium, décalé une réalité. Donc ça parle du travail, on a imaginé une société où il y a 80% de sans-emploi, 20% d'actifs, donc un futur indéterminé, mais à partir, enfin le postulat s'arrête là, enfin c'est pas du tout de la science-fiction, hein. On serait à mon avis jamais lancé, enfin moi en plus j'aime pas spécialement la science-fiction, autant l'anticipation ça m'intéresse parce que on peut vraiment parler de notre société actuelle en décalant les choses. Mais même l'anticipation, c'est un petit peu délicat. Il n'y a pas eu de soucis. Ils ont très vite été emballés ou... C'est vrai que quand on s'est lancé dans cette aventure avec la productrice, Antares y croyait à fond. Moi, j'étais un peu plus perplexe. On a bossé 6 mois en créant les bases de l'histoire, les personnages. Très vite, on s'est dit, on va aller vers Arte. Donc, du coup, on faisait encore plus attention aux moyens, parce que Arte, enfin, ils ont quand même pas beaucoup de moyens. Et après, c'est parti. Enfin, oui, ils ont dit oui. Moi, personnellement, j'avais un peu du mal à y croire, ce qui n'était pas le cas d'Antares. Moi, je trouvais que par rapport au genre de l'anticipation qui rentre un peu dans la figure qui est inscrit dans la science-fiction, même si c'est très différent en termes on a une culture, en tout cas en France, dans le roman, dans l'écriture, de l'anticipation. Hein. On se souvient tous de La planète des singes. C'était un auteur français, Pierre Boulle, je me souviens. Voilà, du coup, je me souvenais de ça, en tout cas. Et puis, il y a eu d'autres choses depuis. Mais en tout cas, c'est un genre qui existe dans la littérature. Et qui continue même à exister avec des auteurs contemporains. Mais effectivement, je trouvais que ce genre-là, il n'y avait aucune raison pour laquelle il ne pouvait pas exister en France. Parce que c'est un genre... déjà, c'est un genre. Du coup, ça veut dire qu'il y a des codes. Et en plus, c'est moi, ce que j'aimais bien, du coup, même dans Star Trek, qui était un peu les choses, c'est que c'est à travers le genre de la science-fiction, de l'anticipation, on parlait toujours de la société actuelle et que c'était ça qui était intéressant dans le genre, plus que les effets spéciaux, plus que les pyjamas, plus que les trucs. Finalement, Star Trek, ça parle du rêve américain en pleine guerre froide, en plein conflit racial et des choses comme ça. En tout cas, moi, c'est ça qui m'avait émerveillé enfant. En tout cas, je me disais... Si ça ne marche pas en France, c'est que on l'a mal, ça a été mal abordé, ou tout de suite on veut copier les Américains, on veut en mettre plein la vue avec des effets spéciaux qu'on peut pas. Et du coup, si on raconte plus une histoire humaine et qu'on la décale dans ce qu'on aime de l'anticipation, des films comme Gattaca ou des Fils de l'homme, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et effectivement, on l'avait expérimenté. Dans des écritures plus courtes auparavant, et on sentait qu'il y avait que ça plaisait. Il y en a qui n'adhèrent pas du tout, mais on sentait que voilà. Et après, il y a une sorte de conjoncture. Il s'est trouvé qu'on a rencontré la bonne productrice, qu'on avait aussi Sophie, elle avait son agent, et que Arte cherchait des projets innovants. L'apport de Judith Louis était vraiment, elle cherchait des choses qui sortaient, enfin qui soient originaux, voilà. Et du coup, voilà. Peut-être qu'on avait des revenants aussi qui avaient quand même ouvert une voie comme ça, enfin dans le genre fantastique pour le coup. Mais on a bénéficié aussi d'Arte avec Ainsi soit-il, enfin qui lançait vraiment des choses différentes. Je pense que tout ça a joué, que on est tombé quand même au bon moment. Et puis cette thématique du travail qui est quand même au cœur de, enfin voilà, ça, je pense que ça a d'un seul coup parlé à tout le monde. Et comme on a essayé d'être très très rassurant par rapport au genre et justement aux moyens, enfin vraiment de dire on raconte avant tout une histoire humaine dans un univers décalé, mais après les enjeux sont humains. Il a fallu les rassurer à ce niveau-là ou... Non, parce que ce qui s'est passé au départ dans mon souvenir, c'est que sur le premier dossier qu'on avait rendu, c'était vraiment les personnages, les caractérisations de personnages qu'ils ont adoré avant tout. D'accord. C'était pas tant le synopsis du pilote où ils étaient un peu plus dans la réserve, c'était vraiment, ils avaient flashé sur les personnages. Donc je pense que justement on avait mis suffisamment d'émotions et d'enjeux forts pour les convaincre. Après ils avaient flippé à un moment donné sur les moyens. On a eu d'abord un oui, et 15 jours après on a eu un non. Alors il y a eu 15 jours, tous les matins on était là, c'est trop cool, ça y est on fait une série pour Arte, on se mettait au boulot, c'était génial. Et 15 jours après, c'était non. Alors là, c'est juste le truc qui s'écroule. On dit, mais c'est possible, un truc pareil. Et puis 5 jours après, c'était encore oui. Donc vous avez eu 5 jours de dépression complète. Ouais, c'était un peu chaud quand même. C'était un peu chaud. Ouais. Antares, t'es réalisateur à la base. Est-ce que, au départ, tu t'étais proposé en tant que réalisateur sur Trépalium, ou est-ce que tu t'étais dit non, ça allait être réalisé par quelqu'un d'autre ou... On est arrivé un peu avec un packaging entre guillemets, c'est-à-dire ouais. Que au tout départ, enfin, parce que l'idée de Trépalium, mais là c'est parti sur un 6 x 52 minutes, mais il y a 7 ans, on avait déjà eu la base du concept, pas aussi radicalisé. Sur un court métrage que j'avais réalisé qui s'appelait L'emploi vide, hein, et du coup qui était aussi un ovni un peu dans la manière de parce que dans le court métrage on est plus sur des choses chroniques ou des c'est difficile, enfin il n'y a pas beaucoup de place au genre, et effectivement on avait testé ça, donc mais on sentait une frustration de l'avoir raconté sur quelque chose de trop court, voilà, et qu'on avait envie de le développer encore plus, voilà. Et donc effectivement on est allé voir cette productrice Katia Rice, on lui avait montré le court, et il y avait des ambitions artistiques effectivement, et après le succès quand on allait à Arte a un petit peu dépassé les, voilà, c'était compliqué de convaincre quelqu'un qui venait du milieu du court-métrage, mais en même temps on avait tellement envie que cette histoire perdure et de développer notre univers que voilà, on a continué comme ça. Et le réalisateur c'est ? Et le réalisateur s'appelle Vincent Lanneau, c'est un réalisateur belge, mais ce qui était assez important c'est que quand on a toujours pensé c'est un projet qui il fallait rassurer aussi sur la manière de le produire et aussi de d'imaginer le visuel, parce que c'est vrai que l'anticipation, on peut projeter tout et n'importe quoi. Nous quand on est arrivé, même si on avait même si après la question de, on est arrivé vraiment avec un univers et des choses assez précises de ce qu'on voulait dans la manière de le faire et dans la manière aussi que ça soit réalisable dans une production d'une chaîne comme Arte. Et on pensait que c'était capable. Après, dans le choix du réalisateur, on a toujours pensé à quelqu'un qui saurait travailler autour de ça, qui viendrait de l'univers B. On pensait au premier film de Carpenter ou de Cronenberg, qui saurait travailler avec peu de moyens et en même temps donner... raconter une histoire humaine et de genre. Et du coup, le profil de Vincent Lanneau était vraiment le bon, puisqu'il avait fait plein de choses, en passant du film Dogma, en passant du film de vampire, en passant de la comédie. Et du coup, d'accord, c'était intéressant ce profil de jeune réalisateur qui avait quand même une carrière de 7 longs métrages derrière, mais qui aimait le genre, quoi. Il passait de différents genres, quoi. Frédéric, est-ce qu'on peut parler un peu d'Odysseus, de ce qui s'est passé sur la série? Alors, tu es créateur de la série à la base. Mmh. Tu es crédité en tant que... tu as développé les 6 premiers épisodes. J'ai dirigé l'écriture sur les 6 premiers épisodes. Voilà. En tout cas, pendant une première phase. Il y a deux phases sur les 6 premiers épisodes. Tu veux que je développe maintenant ? Ouais, ouais, vas-y. Donc, le projet remonte à 2007. Donc, j'étais sur un village français à l'époque, entre 2006 et 2009. Il a commencé à avoir un intérêt d'Arte en 2008-2009. Et l'écriture est partie officiellement début 2010. J'ai écrit la Bible entre septembre 2009 et début 2010. Et donc là, j'ai formé un atelier d'écriture à l'image de ce que j'avais vécu avec Frédéric Krivine sur un village français. Je voulais essayer d'appliquer les... C'est-à-dire, sur un village français, il y a vraiment une salle d'écriture, ça se passe absolument, comment en fait ouais, absolument. Ouais. La salle d'écriture, en l'occurrence, à l'époque, c'était chez Frédéric Krivine, ouais. Dans son salon, autour d'une grande table, et avec Krivine au bout. Vous étiez combien ? On était, en gros, un par épisode. Donc ça a un peu fluctué, mais en gros, c'était un par épisode. Donc on était 6. D'accord. Ou 7. Et on se réunissait 2 ou 3 fois par semaine. Une demi-journée à chaque fois. D'accord. Et on a commencé par brainstormer. Alors, quand on a commencé, on avait des synopsis des 6 premiers épisodes. Il me semble, parce que j'ai une mémoire vraiment extrêmement déficiente. Pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Mais et on avait un pilote. Et une Bible aussi. Et donc, on a commencé par travailler sur tout ça. Et il y avait assez peu de limites. C'est-à-dire qu'on pouvait remettre en question pas mal de choses. Dire ce qu'on pensait des personnages, dire ce qu'on pensait des épisodes. Et on a fait de longues séances de brainstorming pendant assez longtemps qui ont permis à Frédéric de réécrire le pilote et qui nous ont lancé après sur l'écriture des 6 premiers épisodes. Et ça a duré, et ça dure encore. D'ailleurs, l'atelier d'écriture, ça dure encore sur le même modèle. Et vous partiez à chaque fois avec votre épisode enfin, On allait jusqu'à... Ouais, exactement. D'accord. On brainstormait assez longtemps et puis ensuite on partait à écrire... on a commencé, il me semble, avec des synopsis puis des séquenciers, et après on est passé par une phase où on faisait ce qu'on appelle des fil à fil. Oui. Donc des séquenciers hyper. Ramenés à l'essentiel, avec en gros une phrase ou deux par scène, ce qui nous paraissait plus efficace. Au départ, on faisait des séquenciers qui étaient limite des traitements, oui. Extrêmement détaillés, avec tous les micro-mouvements de la scène. Il y avait vraiment tout. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être. Un peu trop par rapport à ce qu'on avait... C'est un peu trop lourd à bouger après ou... C'était juste inutile. Ouais. On en avait besoin au début pour bien cerner les personnages, mais on s'est rendu compte de quelque chose qui est vraiment important de comprendre, c'est que tout ce qui arrive avant l'étape des dialogues, ça n'est que de l'intention. Donc le synopsis, le séquencier, la Bible, n'importe quoi avant, ça n'est que de l'intention. Et il n'y a que quand on écrit les dialogues que on fait vivre les personnages et on fait vivre aussi les scènes et on se rend compte si les scènes fonctionnent ou pas, les situations, etc. Donc tant qu'on n'a pas testé concrètement ce que ça va donner au final, on n'est que dans sa tête. Et c'est intéressant, mais c'est extrêmement limité. Et on ne sait pas, au fond, si ça marche vraiment ou pas. Donc il faut aller relativement vite, en tout cas, je pense, à la V1. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer avant un minimum, ouais. Mais il faut être... Faut être libre par rapport à cette préparation. Ça t'est arrivé de remettre en cause complètement un truc à force de l'écriture en me disant mais en fait non, il ferait jamais ça. Et, oui, ça arrive tout le temps. Ouais. Ça arrive tout le temps. Et oui, ça m'est arrivé aussi de jeter un pilote assez récemment d'ailleurs, juste parce que ça marchait pas et j'avais suivi ce que je voulais faire dans la Bible et quelles étaient mes intentions et ça marchait juste pas du tout. Enfin, ça marchait. C'est pas que ça marchait pas, mais c'était pas satisfaisant, c'était pas assez bien. Donc, de toute façon, si on n'est pas prêt à jeter ce qu'on a écrit et à faire autre chose, on est mal barré. Hein. Ouais. Alors, donc, c'est un schéma que tu as reproduit sur Odysseus. Vous étiez combien sur Odysseus ? La même chose, grosso modo, un par épisode. Donc, on était 6 ou 7. Et on a fait ça pendant 6 mois, à peu près. On a sorti des séquenciers. Et c'était chouette comme période. Je me suis senti à ma place. Vous étiez dans les locaux de King Prod ou... Non, on était... chez Frédéric Krivine Non. On était dans un appartement qui appartient aux parents d'un des scénaristes. Et on travaillait là, pareil, par demi-journée, 2 ou 3 fois par semaine. Et on a sorti donc 6 séquenciers, dont j'étais plutôt content, et dont la preuve était contente aussi. Mais le problème d'Odysseus, c'est que, enfin un des problèmes d'Odysseus, c'est que le projet originel n'est pas exactement ce qu'on a vu à l'écran. Et le projet originel était quelque chose d'assez barré, et que je n'ai en fait moi-même compris que beaucoup plus tard, ce que je voulais faire avec ce projet-là. D'accord. Et c'était extrêmement difficile à pitcher et à vendre, parce que c'était assez en marge. Et je peux le dire maintenant, ce que je voulais faire, j'ai compris ça il y a quelques mois seulement, donc je voulais faire Dune de Frank Herbert dans l'univers d'Homère. Parce que et évidemment c'était parce que il y a des archétypes de personnages qui sont les mêmes, le père, Leto, le fils, qui la mère aussi, et d'ailleurs ma Pénélope était très très proche de Jessica par exemple dans Dune. D'accord. Enfin tous les personnages étaient très proches de leurs équivalents chez Herbert. Et déjà en sachant ça, c'est impossible de vendre ça. Mais ne le sachant même pas, c'est dur d'expliquer ce que je voulais faire. Et donc c'était un projet qui était fantastique, mais pas au sens de voir des monstres, les monstres de l'Odyssée. Il n'y avait pas de cyclope, il n'y avait pas de choses comme ça, ça ne m'intéressait pas. Mais c'était fantastique dans un sens chamanique, en fait. De la même manière que l'épice a un rôle hyper important dans Dune, moi j'avais une substance bleue. Le parallèle paraît évident comme ça, mais je n'avais absolument aucune idée de ce que tu t'en rendais pas compte à l'époque. C'était complètement. T'avais besoin du recul. Mais j'avais une substance bleue qui était une substance, ce qu'on appelle un soma, donc une substance chamanique qui servait à la fois donner de la force à Télémaque, qui était un personnage extrêmement faible, et aussi qui avait des propriétés hallucinogènes, c'était un peu compliqué. Et bref, donc on a sorti les séquenciers, et les séquenciers étaient bien, et je crois que ça a fait un peu peur à la chaîne. Et la chaîne a voulu à ce moment-là revenir vers quelque chose qui était beaucoup plus identifiable pour les spectateurs, et plus facilement vendable en termes de marketing, en termes de qu'est-ce que c'est que ce truc. Et donc on est revenu à quelque chose, j'avais envie que la série se fasse malgré tout. Est-ce que tu as regardé toute la série en entier, ou est-ce que te semblait être un... Ouais, mais est-ce que ça te semblait être un objet tellement étranger que du coup tu t'es pas senti... Non, pas du tout, parce que d'accord. Même si cette vision-là n'a pas été tirée jusqu'au bout et portée jusqu'au bout, la chose qui était fondamentale pour moi, c'était la relation entre le père et le fils. J'ai fait cette série-là parce que je voulais parler de mes relations avec mon père, et ça a été compris par tout le monde. Ça a été compris par tout le monde, et ça a été appliqué par tout le monde. C'est-à-dire que jusqu'à la réalisation, sur laquelle évidemment, en tant que scénariste en France, j'avais aucun levier, aucun moyen d'agir. Ça a été parfaitement compris par le réalisateur, et qui a gardé ça du début à la fin. Donc, d'accord. À partir de là, moi, j'étais content. Je faisais ma première série sur Arte. C'était un péplum. Il n'y en avait jamais eu. Quasiment, ou alors il y a très longtemps, 12 épisodes, enfin moi j'étais content, j'ai appris plein de trucs. Sophie, tu as travaillé sur d'autres projets qu'avec Antares, tu peux en parler un petit peu ou... Oui, en télé j'ai bossé un certain temps sur Plus belle la vie, dans l'atelier Dialogue. J'ai fait après j'ai travaillé sur un 90 minutes TF1. Et sinon, en cinéma, donc je travaille avec Antares, on a un long métrage en recherche de financement, et je travaille sinon avec la réalisatrice Julie Lopez-Curval. Voilà, dont le dernier film est sorti cet été, Le Beau Monde. Et... Ça devait être un rythme de taré sur Plus belle la vie de... Non, c'était non. Hyper bien en fait, parce que j'étais au dialogue, un texte en gros c'est une semaine, je faisais peut-être deux textes par mois. Au contraire, c'est génial. D'accord. Parce que le reste du temps, je pouvais travailler pour Antares ou pour Julie, et puis... être sur Plus belle la vie, c'est être un peu salarié, quoi. Et pour un scénariste, c'est juste hyper rare et confortable. Donc non, c'était une super période. D'accord. Et le 90 minutes sur TF1, c'était... C'était Panique aux Edelweiss. D'accord. Voilà, une comédie. Et j'étais venue en renfort. C'est une série qui a été créée par Sébastien Mounier et Ludovic Abgral, dont le premier épisode, qui était juste un unitaire à la base... Bienvenue aux Edelweiss, ça avait super bien marché. Du coup, ils avaient voulu décliner. Et voilà. Après, ça s'est fait dans l'urgence et tout. C'était un peu particulier, mais c'était bien parce que moi, je venais de sortir de Plus belle la vie. Donc, j'étais un peu fragilisée. Enfin, je me demandais un peu ce qu'allait se passer. Et du coup, j'ai eu la chance de faire ça tout de suite. Donc, c'était chouette. C'était une bonne expérience. Ouais. Antares et Frédéric, vous faites aussi de l'enseignement. Alors, Antares en réalisation, tu peux nous en parler un petit peu sur l'écriture. Un peu sur l'écriture, oui. Tu enseignes où? Bah, en fait, moi j'ai un parcours. J'enseigne dans plein de. J'enseigne auprès des jeunes et maintenant d'un peu des plus grands. Ma première expérience c'était quand j'étais moi-même en train d'apprendre encore à l'université. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une école de cinéma qui s'était créée à Marseille et qui était en recherche de jeunes enseignants. Voilà. Et donc ça a été ma première expérience et en fait ça a été une révélation. Voilà, d'accord. De partager et ma passion et mon savoir qui était enfin mon envie de voilà auprès des jeunes. Et après j'ai toujours travaillé autour de d'associations comme le Forum des Images, la Maison du Geste et de l'Image, la Cinémathèque aussi j'ai une expérience et puis aussi des classes à Pâques. Voilà, c'était mes premières. D'accord. Et où du coup, comme il y a depuis plusieurs années, comme il y a un rapport de d'apprentissage à l'image avec les dispositifs école au cinéma, collège au cinéma, lycée au cinéma, ils avaient besoin d'intervenants pour pouvoir expliquer, clarifier et décrypter aussi l'image. Et c'était, je trouvais que c'était quelque chose d'assez passionnant parce que du coup, effectivement, on est dans un monde d'image et comprendre la place de la mise en scène dans ça, effectivement, il faut être accompagné et je faisais partie de ces accompagnateurs et c'était quelque chose de super pour moi de partager cette passion et aussi de décrypter des choses avec des jeunes. Et après, j'ai fait des ateliers, beaucoup d'ateliers pratiques où on me demande toujours de faire des ateliers de genre, des films de genre avec... D'accord. Voilà. Mais voilà, en fait, ça s'est passé comme ça et c'est quelque chose qui est très important parce que du coup ça remet un peu déjà ça me fait questionner toujours sur le sens qu'on cherche dans une image mais aussi dans une écriture et aussi d'être assez simple dans ce qu'on enseigne pour le partager et c'est une bonne réflexion aussi sur notre propre travail. Et justement, voilà. Quand tu dis que tu as des élèves jeunes, ils peuvent avoir 13, 14 ans, ils doivent être vachement réceptifs à ce que tu leur amènes, non? Ça dépend. Oui, bah en fait, tout le monde sait se raconter des histoires. Hein. Les enfants, dès le plus jeune âge, se racontent des super scénarios et plein d'imagination et sans limite. C'est Toy Story, hein. Toy Story 3, le début de Toy Story 3, c'est vraiment ça, quoi. Quand on est tout jeune. Après, c'est de savoir raconter ce qui... effectivement, alors j'ai eu l'expérience de passer du CP, voilà, d'enseigner à des CP jusqu'à des adultes. Mais en même temps, à chaque fois, j'ai toujours vu que raconter des histoires, tout le monde sait le faire. Après, c'est juste de donner des bases de structure, souvent de simplifier, et c'est ce qu'on fait toujours aussi nous-mêmes dans les scénarios. On a 10 000 idées, 10 000 personnages, 10 000 intrigues, et au bout d'un moment, il faut juste raconter quelque chose de simple. Enfin, voilà. Et donc, du coup, voilà comment ça se passe. Ouais. Et toi, Frédéric, tu t'enseignes au CEA? Oui, principalement. J'ai enseigné aussi à la FEMIS. Et ce que je fais au CEA, c'est un atelier de création de séries sur 6 mois, et en gros pour les deuxièmes années. Et en gros, j'ai deux petits groupes de 2 personnes que je suis pendant les 6 mois, et on part d'une envie de série, et on arrive à la fin à une bible et éventuellement une envie commune. C'est vraiment un atelier. Tu mènes un atelier en fait. Chaque groupe a une envie. Chaque groupe a une série différente. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc on développe 2 séries ensemble. Et je travaille avec les étudiants comme je travaillerais comme si je devais créer ma propre série. C'est-à-dire que on passe par les mêmes étapes que par les étapes. Ouais, t'es investi pareil aussi dans le processus. Voilà. D'accord. Ouais, ça doit être vachement intéressant. C'est très très intéressant. J'ai fait ça 2 ans. Je vais faire une pause cette année parce que j'ai un avenir incertain. Donc je peux pas m'engager sur cette année-là, mais je continuerai l'année prochaine. J'adore ça. Je pensais pas que j'aimerais autant. Ouais. Et j'aime vraiment transmettre. J'aime vraiment donner tout ce que je sais, que j'apprends au fur et à mesure. Ce qui est drôle, c'est que je peux dire des choses contradictoires d'une séance à l'autre parce que j'ai compris entre temps quelque chose et je me rends compte que c'était pas la bonne façon de faire. Donc on évolue vraiment au quotidien. Enfin, le cours suit ma propre évolution par rapport aux réflexions que je me fais sur la dramaturgie, sur comment il faut, quelle est la meilleure façon de faire. Voilà. Et c'est une fibre qui t'est venue comme ça, tu ne voyais pas trop venir et, Je ne l'ai pas vu du tout venir, ouais. Mais ça a été, il y avait un terrain fertile avec le SAS, le collectif qu'on a créé avec Benjamin Dupas il y a 7 ans, 7-8 ans, qui était à l'origine une idée de Benjamin, qui était un ancien prof, et qui voulait transmettre et qui voulait qu'on ait un endroit où on puisse à la fois se former ensemble et transmettre ce qu'on apprend avec un esprit de compagnonnage. Et je crois que c'est ça qui a commencé à poser les bases de l'enseignement pour moi. Ouais. En marge des ateliers, tu t'organises un truc justement qui réunit les ateliers. Tu es un peu le parrain de la mafia des ateliers. Non, pas du tout. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est Sabrina Beccarine. D'accord. Qui est membre des Indélébiles, un autre collectif. Et l'idée, oui, c'est de faire une sorte de fédération des collectifs de façon totalement informelle. Aucun des collectifs n'est une association, donc tout est informel. Mais on a un groupe secret sur Facebook où tous les gens qui participent à des collectifs sont cordialement invités après qu'ils aient lancé une fête pour réunir tout le monde et pour faire connaissance. On y vient. Et c'est un peu la condition. Et ça sert à peu près à rien. Ça sert juste à se tenir au courant d'articles intéressants sur le net ou de fêtes à venir, de soirées. C'est juste pour ça. Mais ça permet de tisser des liens. Ça permet de connaître les gens quand on les rencontre plus tard dans un atelier d'écriture ou dans le travail ou n'importe où. Donc voilà, c'est simplement tisser des liens entre les gens et faciliter la transmission. Je voudrais savoir un petit peu quelles sont vos habitudes d'écriture en fait. Est-ce que vous aimez par exemple écrire de 2h à 6h du matin ou comment dire, est-ce que vous avez des plages horaires, des conditions, est-ce que c'est toujours au même endroit, comment vous travaillez? Ou alors c'est complètement chaotique, vous écrivez n'importe où, sur un quai de gare Non, moi c'est très normal, c'est un peu en fonction des horaires des enfants de l'école, donc en gros c'est 8h30, 16h30, et puis s'il y a trop de boulot, je reprends le soir et le week-end, mais c'est tout à fait normal. Un peu conditionné sur ça, et puis pareil, un peu sur les enfants, et puis mais j'aime bien aussi trouver des nouveaux lieux, et faire, pendant très longtemps, je bossais dans des bibliothèques, à la Bifi, ou à la bibliothèque François Mitterrand, ou même de se retrouver dans un café aussi pour discuter et amorcer des nouvelles idées. J'aime bien. D'accord. Et toi, Frédéric? Exclusivement chez moi, en chaussons. D'accord. Sauf quand il y a des ateliers d'écriture où on est obligé de sortir. T'emmènes tes chaussons dans ces cas-là? J'aimerais bien. là, c'est l'hiver, donc c'est même en pyjama. Le plus possible. Et non, j'ai besoin d'être chez moi parce que j'ai tous mes bouquins qui sont chez moi. Je peux pas bosser sans mes bouquins. Je vais pas les trimballer au café, ce serait compliqué. Et juste, je veux être tranquille. Je peux me faire distraire très facilement. D'accord. Si j'étais dans un café, je passerais mon temps à regarder autour de moi. Tu coupes possible. Internet, tu. Non, mais je devrais. Ouais. C'est mon contact avec le monde. Sinon, je suis connecté sur l'écriture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. D'accord. Je ne travaille pas autant, mais je suis en permanence connecté. Enfin, je veux dire, j'y pense en permanence. Et je travaille. J'ai longtemps culpabilisé parce que, comme tous les auteurs, je procrastine un maximum. Et je n'ai jamais réussi à avoir des horaires fixes de travail. Et ça m'a longtemps posé des problèmes. Moi qui suis. J'ai tendance à m'auto-culpabiliser à mort. Et je suis en train de laisser tomber ça, en fait. Et je suis en train de comprendre que ça fait partie du processus. D'accord. Je suis en train de l'apprivoiser, ça me fait plaisir. Donc, j'essaie quand même de me lever le matin. si je peux, relativement tard. Mais je me mets à travailler directement. Enfin, je me mets à mon bureau directement. Et je travaille par tranche d'une heure ou deux. Je fais des pauses, je lis beaucoup. Et je peux travailler jusqu'à 2h en général, jusqu'à 2h. Enfin, disons que la plage que je m'accorde, que je consacre à faire que ça, s'arrête en général vers 2h, et là je vais me coucher. Mais dans ce temps-là, je ne suis pas à travailler et à écrire en permanence. Il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de glandes. Mais ça fait, je sais que ça fait partie de mon processus, donc maintenant je suis en train de l'accepter complètement, de l'assumer. On va passer. D'être dans des idées créatives et intenses pendant une longue période. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la période de création, on est sans intense, effectivement, c'est ces plages de 2 heures qui peuvent durer parfois 4-5 heures. Mais après, on a le cerveau qui explose parce que du coup, on voit plus les choses et on a besoin de redescendre et... De rêver, de se reposer ou de chercher autre chose. Voilà, c'est important. Quoi. C'est vraiment, ça, en l'occurrence, c'est vraiment pour la phase de conception, parce que quand on a des deadlines, quand on rend des textes, là, pour le coup, c'est beaucoup plus intensif. C'est-à-dire que si on est en retard, on est en retard, il faut vraiment qu'on sorte le texte. Donc, t'as tendance à être le type à être en retard Ouais, d'accord. Voilà. Genre en retard, ou c'est juste il me reste un jour, faut que j'écrive, un traitement. J'ai pu être beaucoup plus en retard que ça. Je crois que le pire que j'ai fait, c'était pour un rendu au FAI. Ouais. Pour Haute Couture, j'ai eu le FAI pour un projet qui s'appelle Haute Couture. J'ai dû l'avoir en mai il y a 2 ans ou 3 ans. Et on a 8 mois pour rendre le pilote. Et au bout de 7 mois, j'avais juste absolument pas commencé à y réfléchir. J'ai fait d'autres choses. Donc j'ai commencé à m'y mettre. Je me suis dit, bon, à moi, ça va être court, ça va être très très compliqué pour faire ça. Donc j'ai demandé un délai que j'ai obtenu de 3 mois. Au bout de 3 mois, j'avais rien. Donc j'ai mis, je crois, 2 mois après ça. Bon, ils m'ont sucré la fin de l'argent, donc j'ai pas tout touché. Ouais. Voilà, ça m'apprendra. Mais non, je peux être vraiment très en retard. Après, j'essaie de l'être, de moins en moins. Je gagne un point d'efficacité quand même, malgré tout, je progresse. Mais en fait, pour être honnête, je m'en fous. C'est-à-dire que ma conception, c'est que tant que le truc n'est pas assez bien, on continue. Donc, il n'y a pas que de la procrastination, il y a aussi du perfectionnisme. Et faut apprendre à gérer ça. C'est-à-dire qu'il faut. Il y a des moments où on peut se permettre d'être en retard et des moments où on ne peut plus se permettre d'être en retard. Et quand on peut se permettre d'être en retard, là, pour le coup, on ne fait plus des séances des plages d'1 heure de travail. C'est non-stop jusqu'à ce que ce soit fini. Et le week-end, et le soir, et la nuit. Et bon, voilà. Avec Trépalium et avec Haute Couture, vous êtes allé à Los Angeles présenter à Direct to Series. Comment ça s'est passé? C'était l'expérience en elle-même. Ça représentait quoi? C'était chouette. C'est vraiment chouette. T'as écrit le pilote en anglais. Tu l'auras fait lire. Ouais. Et moi, c'était la deuxième année que j'y allais. J'y étais allé l'année dernière pour présenter Odysseus. Oui. Et c'est chouette quand même d'aller à Los Angeles, c'était la première fois que j'y allais, donc c'est assez fun, quoi. Et l'événement en lui-même s'améliore d'année en année, de plus en plus de monde y participe, et même si submergé d'auteurs américains et de producteurs américains, il y en a quand même qui sont là, il y en a beaucoup plus que l'année dernière, donc c'est vraiment intéressant. Après voilà, on a pitché en 5 à 10 minutes nos projets en anglais sur scène dans une salle. Voilà, moi il se trouve que j'avais déjà fait en avril dernier pour le Forum CoPro en marge de Série Mania à Paris. Et là pour le coup j'étais vraiment en panique parce que j'avais écrit donc un pilote pour Haute Couture que j'avais mis dans un tiroir parce qu'il n'était pas assez bien, selon moi, et j'avais laissé tomber le projet complètement. Et j'ai été rappelé par ma productrice 3 semaines avant le Forum CoPro en disant « J'ai réussi à nous faire entrer sur le Forum CoPro, il faut qu'on aille pitcher, mais le projet n'était pas assez bien. » Donc j'ai dû changer le concept en fait en 3 semaines. Non seulement changer le concept, mais écrire un pitch en anglais qui tienne 10 minutes, parce qu'il fallait qu'on tienne 10 minutes absolument. Non, il y a 10 minutes, c'est long. Donc, écrire le pitch en anglais, que j'ai retouché jusqu'à la dernière seconde, monter sur scène et parler devant, 100 à 150 producteurs européens et faire le pitch en anglais. Je suis pas du tout à l'aise sur scène, je n'aime pas ça. Donc c'était tout ça, c'est très très compliqué. Mais une fois que j'ai passé ça, enfin d'ailleurs une fois sur scène ça va, ça, en général ça, ça passe. Enfin, on est dans l'arène, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Mais du coup à Los Angeles c'était peut-être un poil plus facile pour moi parce que je l'avais déjà fait avant. Oui. Et au bout d'un moment on s'habitue. Et voilà, je pense qu'on a tous rencontré des gens qui sont très intéressés par les projets et qui ont et donc voilà les projets suivent leur vie, sont lus à droite à gauche, donc ce qui est toujours aussi c'est sympa quoi, d'avoir un projet qui est lu par des Américains ou des Anglais, c'est chouette. Haute Couture, c'est un projet que tu as depuis combien deux ou trois ans. Deux ou trois ans, d'accord. Je sais plus exactement. Et vous alors, comment ça s'est passé? Bah nous c'était un peu différent que par rapport à Frédéric, puisqu'on n'a pas pitché, c'est les distributrices de Trebalium qui ont décidé de pitcher toutes seules. Donc bon, voilà, c'était un peu une déception. En même temps, quand j'ai vu Frédéric tout pâle avant de monter sur scène, je me suis accommodée de mon sort assez facilement. Après, c'était génial d'être là-bas. Ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est aussi l'implication de la SACD, de la commission Île-de-France, hein, qui mettent vraiment les scénaristes français en avant, qui ont aidé, subventionné le voyage. Et puis après, pas pour Antares, mais pour moi, c'était la première fois que j'étais à Los Angeles et j'étais quand même très impressionnée, quoi. Même d'aller sur Hollywood Boulevard, c'est très bête, hein, mais c'était hyper émouvant. On a l'impression que le cinéma est partout dans cette ville. Tu vas au musée, tu vois des toiles de Picasso, tu vois que c'est des donations de Edward G. Robinson, de William Wyler. Enfin, le cinéma est partout, en fait. Et après, on était à la Writer Guild, et ça, c'était très émouvant. On est allé à la bibliothèque aussi, on a consulté des scénarios originaux de Six Feet Under, de Some Like It Hot. C'était l'ensemble du voyage qui était super. Après, ce qui était très intéressant, c'est que c'est effectivement... dans cet événement, c'était de montrer que les créateurs ou les scénaristes français avaient des idées qui pouvaient avoir un écho sur le marché américain, qui est quand même le pays de la série, de la télévision, en tout cas qu'on aime. Voilà. Et du coup, ça, c'était très excitant d'être là et de participer à ça. Ce qui était aussi, on voyait qu'il y avait un vrai intérêt des Américains de regarder ce qui se passait dans la création française. Après, on a vu que c'était un marché très très rude mais auquel ils en parlaient de manière assez décomplexée, mais ils sont en recherche de projets. Différents et originaux, et du coup les projets français avaient toute leur place par rapport à ça. Après c'est sûr que eux l'idée c'est de s'approprier les projets et de le conceptualiser après coup en anglais quand c'est des projets qui viennent de base et tout ça. Nous, on était, notre projet en l'occurrence le Trepalium, il était déjà en cours de tournage et du coup la recherche était purement commerciale, d'ajouter des nouveaux fonds, de pouvoir parler du concept, hein, et de rencontrer un maximum de gens. Et ça, en tout cas, ça a été un succès parce que tous les projets qui étaient là-bas, qui avaient vraiment un intérêt, un concept fort et tout ça, il y a eu un vrai engouement, en tout cas, des producteurs, des agents, des studios qui sont venus parler soit avec les créateurs, soit avec les distributeurs. Et ça, c'était inattendu à ce point-là, dans ce succès-là. Quoi. Donc ça, c'était super intéressant. Après, c'était super intéressant parce qu'il y avait eu aussi le succès des revenants qui du coup, donnait envie de voir ce que, s'il y avait d'autres... projet de concept comme essayer de mettre la main dessus avant tout le monde, quoi, en fait. Mais en même temps, il faut pas le vendre trop vite, il faut être assez prudent parce que l'idée maintenant, enfin justement, ce qui était très intéressant, c'est on a vu un des acheteurs de la Fox, il disait les projets on les achète 10 000 $, ce qui est rien du tout, ouais. et c'est en option pendant 2 ans, et puis l'idée c'est de perdre l'option pour pouvoir baisser le prix. Et du coup, d'empêcher qu'il y ait une saison 2 parce que du coup, ils ont acquéri. Voilà. Et c'était. Et du coup, c'est compliqué. Il faut trouver sa place dans ça. C'est un marché. On nous a bien rappelé que c'était un marché. Et du coup, il faut avoir, faut savoir à quelle sauce on va être pris, mais aussi comment garder aussi comment on veut garder sa liberté ou pas, ou voilà, attendre. C'est vrai que le succès des revenants, c'est génial, parce que même l'adaptation américaine, finalement, ils restent assez proches dans ce qu'ils nous ont dit des scripts, et ça, c'est génial. Mais pour une série, c'est un peu l'exception. Je vais passer aux questions du public. J'aurais juste une dernière question. Dans le processus de création d'une série, qu'est-ce que vous détestez le plus ? Le synopsis, la note d'intention, le descriptif des personnages, l'écriture en elle-même ? Quelle est la phase où vous dites « Mon Dieu, il faut que je passe par là ?» Mais c'est vraiment pas ce que j'aime. Pour moi, ce serait plus concept, note d'intention, et encore, enfin là, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est des exercices, parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un peu des exercices de style. Et finalement, c'est pas vraiment d'écriture en soi, c'est vraiment un truc très spécifique. Puis c'est d'avoir les idées claires, de bien faire ressortir. En même temps, c'est hyper important, hein, mais le concept, par exemple, oui, c'est de vraiment questionner le sens de. Et c'est vrai que ce qu'on raconte, on ne sait pas forcément dès le départ, on ne maîtrise pas forcément dès le départ le discours sur ce qu'on va écrire. Donc moi, ça serait plutôt ça. Et un peu en tout cas, pour Trépalium, je pense que le plus compliqué, c'était au départ. Ouais. C'est-à-dire quand Arte a dit on fait 6x52, nous, c'était notre première série. Et là, on s'est dit d'accord, il va falloir pondre 6 épisodes. L'angoisse. J'ai vraiment le sentiment qu'on était face à une montagne. On disait, on se retrouve tout là-haut. Et là, par où on commence, quoi, parce que c'est tellement énorme, cette matière, par quel bout on la prend. Et c'est plein de choses à faire avancer en même temps. Et voilà. Mais bon, on a réussi. Frédéric ? Non, j'adore la note d'intention. C'est vrai ? Ouais. Oh, punaise. J'adore faire des bibles, même si de plus en plus, je me rends compte que ça sert à rien. ce que j'aime pas faire, c'est faire dans la Bible des synopsis d'épisodes. Ouais. Je trouve ça absurde. En tout cas, ça dépend ce qu'on fait. Si on fait quelque chose qui est par exemple de l'ordre de l'enquête policière, on doit savoir quelles sont les étapes. Bon, okay, on peut construire des pseudo-pitches d'épisodes, mais si on fait du drama, c'est absurde à l'avance de déterminer quel sera le 7e ou le 12e. Ouais. Je trouve ça. Surtout qu'on découvre plein de choses en écrivant, donc il y a plein de choses qui vont changer. Donc, il faut, pour moi, surtout quand on fait, alors ça peut changer selon les gens, mais quand on fait du drama, il faut vraiment savoir quels sont les persos et les thématiques. Mmh. C'est la seule chose qui compte. Après les épisodes, ça viendra naturellement en les écrivant. Donc, tu laisses les personnages vivre. Exactement, et les thématiques travailler. Quoi. Et donc quand je dois faire ça, parce que parfois il faut le faire, je déteste ça. Mmh. Donc j'ai tendance à faire n'importe quoi. J'aime pas ça du tout. Et sinon, l'épisode 7, il se met à la trottinette. Ben voilà. Il y a pas de partie que j'aime. À part celle-là, il y a pas vraiment de partie que je déteste faire. Il y a des parties dans lesquelles je suis plus ou moins à l'aise. Je suis à l'aise dans la note d'intention. Je suis pas à l'aise. Enfin, je suis moins à l'aise quand il s'agit de dessiner à des personnages, par exemple. D'accord. S'il faut faire deux lignes, ça va. S'il faut faire un paragraphe ou une page, pourtant je l'ai fait sur Odysseus, hein, dans la Bible d'Odysseus, les topos sur les personnages font 2-3 pages, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Antares, pareil, moi c'est plutôt cette note d'intention là. Ouais. Parce qu'en plus, il y a aussi des notes d'intention de réalisateur, donc ça peut être très très fun. C'est assez compliqué. Et en même temps, c'est vrai que de ne pas s'atteler à ça et ne pas y arriver, c'est quand même un document hyper essentiel. Surtout quand... Déjà, ça nous permet déjà de conceptualiser vraiment ce qu'on a voulu faire, de le partager sur très peu une ou deux pages. Et du coup, c'est un exercice très, très difficile. Et en même temps, qui est déterminant, puisque du coup, on va voir un petit peu, on va avoir un aperçu, les gens vont se projeter à l'intérieur de ça, dans ce que sera l'écriture, ou de ce que sera la série, ou de ce que sera un film, sans que ça soit trop personnel, mais en même temps un petit peu, et de bien conceptualiser ça. C'est vraiment un exercice, mais c'est indispensable. c'est indispensable. Et je pense qu'il faut vraiment, même si on le déteste, il faut toujours passer par là, parce que c'est un document inévitable et qui pose aussi le regard qu'on a en tant qu'auteur sur le projet. Et c'est ça qu'on partage plus que de l'écriture, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je voulais vous demander, pour la gestation de Trépalium, ça a été combien de temps, grosso modo, entre l'idée de base, le développement de la Bible, et ensuite le temps de développement avec Arte, justement ? Bah, l'idée de base, c'est vieux, puisque ça date de 2003, donc voilà. C'est assez marrant parce qu'en fait il y avait eu un appel d'offres d'Arte à l'époque, ça devait être j'imagine Pierre Chevalier, il voulait faire une collection d'unitaires sur les mutations du travail, et du coup on avait eu cette idée. Finalement la collection s'était pas faite, on n'avait même pas soumis à Arte, mais du coup comme on aimait bien l'idée, on s'était dit avec Antares on va en faire un court métrage. Donc on s'est attelé à cette écriture, Antares l'a réalisé en 2007. Et c'est vrai que c'est ce que disait Antares tout à l'heure, on avait toujours eu le regret de... Enfin voilà, on sentait qu'il y avait plein d'autres pistes à explorer dans cette idée. Et les années ont passé, à un moment on avait commencé à redévelopper en unitaire pour une boîte, et puis finalement c'est pas allé très loin. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps on voyait la situation économique se dégrader, la crise arriver, enfin c'était vraiment, ça faisait tout le temps écho, c'est comme si voilà, la réalité nous ramenait toujours à cette idée. Et puis après, c'est donc il y a 3 ans, en allant voir Katia Raïs, la productrice, on lui en a parlé. On a commencé à développer avec elle, on a mis à peu près 6 mois à avoir un dossier qu'on a envoyé à Arte. Et 6 mois après, voilà, on a signé avec Arte. Donc, et ça, c'était il y a pile 2 ans. Donc, voilà, en gros. Même pour préciser, on a aussi déposé avant, parce que quand on a rencontré cette productrice, ça ne s'est pas fait tout de suite, puisqu'elle était en train de changer de structure. Donc on a commencé à développer l'idée de Trépalium ensemble, qu'on a déposé au fonds d'aide à l'innovation qu'on a eu, et ça c'était génial de voir que ça commençait déjà à faire écho. Juste au moment, enfin on a passé le premier tour quand on a commencé à avoir des rendez-vous avec Arte. Ou en tout cas qu'ils étaient intéressés par le développement. Et après, ça allait très très très vite. Même c'était vertigineux le fait qu'on lance à partir du moment où la chaîne était intéressée par l'idée, même si après il y a eu des petites frayeurs à droite à gauche. Il y avait une quantité, ils demandaient aussi une quantité de travail, hein, puisqu'en fait ils voulaient voir toute la continuité. Des 6 épisodes sous forme de synopsis qui sont devenus vraiment des traitements, voilà, puisqu'on nous demandait... Enfin voilà, on avait un dossier de 15 pages avec les personnages assez fournis, mais quand Arte a dit on y va, ils nous ont demandé des synopsis qui devaient faire minimum 10 pages, donc pour nous c'était déjà plus des traitements, et on avait, je sais pas, 2 mois pour pondre 6 synopsis détaillés, sachant qu'il n'y avait pas de Bible avant, et c'est là où voilà, on a l'impression d'être face à une montagne et dire oh, putain. 10 pages de synopsis, c'est quasiment le scénario sans les dialogues, en fait. C'est l'arrivée de version en version, en plus, ça s'est étoffé, et du coup, on est arrivé à des traitements qui faisaient 20 pages, c'était du sanasen, wow. Quoi. Mais bon, ça a pris par contre 9 mois, un truc comme ça. Mais ce qui était amusant, au départ, on répondait à une appel d'offres que Judith Louis avait lancé, qui était le 3 x 52 minutes. Et c'était l'objectif au départ. De présenter Trépalium sur la base de 3x52. Et quand on a rencontré le chargé de développement, Adrienne Fréjac, elle nous disait on arrête le 3x52. Et la productrice a dit c'est un 6. Du coup, on s'est retrouvés comme ça, on s'est dit elle est gonflée. Et puis, du coup, on s'est dit ouais, super. Et donc, du coup, il fallait. On devait rencontrer Judith Louis. Et commencer à parler de cette série, plus de mini-série, voilà. Et je me souviens que on a commencé à bosser, à développer plein d'autres personnages, en essayant de trouver des interactions, voilà, et des axes, des trames et tout ça. Et on allait voir Judith Louis et on a commencé On était dans son bureau et on a commencé à parler de tous ces personnages qu'on voulait inventer, de toutes ces histoires. Et il disait, il faudra parler des politiques. On avait dit, on ne voulait pas trop s'aventurer sur le terrain politique. On s'est dit, est-ce qu'on aura les épaules de le faire? Et il dit, si, ça nous intéresse. Du coup, c'était vertigineux et excitant de voir qu'on pouvait aborder tous ces personnages. Enfin, c'est le principe de la série, ce qu'on adore, c'est tous ces personnages qu'on voit, qu'on retrouve, qu'on voit évoluer, qu'on interagit les uns avec les autres. Et ça, c'était passionnant. Et l'écriture allait très vite sur 2 ans, ça allait très vite, quoi. Quand on entend parler de projets. Désolé, je suis resté bloqué sur les 20 pages de synopsis. Là, pour le coup, c'est vertigineux, je trouve. Quelqu'un d'autre a une question, peut-être? Ouais. Moi, je voulais avoir votre avis sur la catégorisation des chaînes, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas dans le business comme vous. Pour nous, il y a TF1, c'est pour les beaux, France 2, c'est pour la famille. Non, mais c'est vrai, enfin, Canal, c'est les mecs cool, et Arte, c'est ceux qui arrivent et qui vont tout défoncer. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'il y a des chances que... Enfin, est-ce que c'est pas un peu plus ouvert? Ou est-ce qu'on est condamné à ces familles-là de chaînes, et donc être condamné à ça, quoi? Sans balancer. Hein. Moi, je ne travaille pas avec TF1, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe dans le travail avec eux, et ce qu'ils disent et ce qu'ils disent pas aux auteurs, et sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Après, à chacun de juger en fonction de ce qu'ils voient sur les écrans. J'ai pas plus d'informations que toi là-dessus. France 2 non plus, je ne travaille pas avec eux, donc je ne sais pas. Enfin, France 2, France 3. Canal, oui, il y a des projets peut-être plus ambitieux. Je trouve que la chaîne la plus ambitieuse, c'est Arte, aujourd'hui. C'est non seulement la plus ambitieuse, mais c'est celle qui laisse vraiment les auteurs travailler, qui a compris comment il fallait faire avec les auteurs pour que ça se passe bien, qui applique vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'on pense tous sur comment ce qu'on doit faire pour que ça se passe mieux en termes créatifs et artistiques en France. Donc voilà, enfin c'est moi j'ai à peine travaillé avec Canal, j'ai travaillé que sur Kabul Kitchen, donc c'était pas ma série, c'est assez particulier. Ils sont très intelligents, ils sont très compétents, très techniques, et parfois trop techniques, et contrôlent beaucoup, ce qui peut être un problème, enfin ce qui en tout cas fait que selon moi Arte c'est en ce moment la chaîne la plus intéressante. Mais après c'est à chacun de voir, hein, mais voilà. Sur TF1, France, bon, M6 ils font pas de fiction, donc comme ça c'est réglé. Mais sur TF1 et France Télévisions, j'ai pas grand chose à dire parce que je travaille pas avec eux, donc je sais pas exactement comment ça se passe. Après c'est peut-être juste un point de vue personnel, mais plus qu'une politique de chaîne, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup des personnes qui développent les séries à ce moment-là sur les chaînes nommées. C'est y a une question de rapport aussi. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire des choses un peu différentes, par exemple sur TF1, bah, d'un seul coup des choses vont être possibles. Donc, bah, espérons. Oui. Espérons. On jugera sur pièce, quoi. On va voir ce qu'ils mettent à l'antenne et voilà. Il peut souvent y avoir un fossé entre ce qu'on annonce et concrètement ce qu'on fait. Oui, bien sûr. À tous les niveaux, hein, même quand on est auteur, on dit voilà, on fait une bible avec, je vais faire ça. Après, on écrit le scénar, c'est de la merde. C'est pas du tout, ça correspond pas du tout à ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est partout pareil. Concrètement, on juge les gens sur ce qu'ils font. Et donc on verra. Moi, si ça se passe, c'est très bien. Je voudrais juste dire, je connais pas, j'ai travaillé qu'avec une chaîne, c'était Arte. Mais ce qui était déjà en plus. On peut dire, enfin moi je peux dire que je suis un enfant d'Arte parce que je l'ai vu naître et évoluer et bien évoluer, voilà. Mais en tout cas, ce qui était effectivement, ce qui a toujours fait un peu la marque d'Arte, c'est la confiance aux jeunes auteurs et en même temps d'être aussi, de toujours avoir ce regard sur le monde, sur la société, d'être ouvert aussi bien sur sur tous les mots de la société, bien et moins bien, et d'avoir un regard d'auteur sur ça. Dans les premières fictions, hein, on a été élevé avec les fictions qui ont fait découvrir Laurent Conté, Clapiche, etc. Jusqu'à aujourd'hui dans la série où du coup ils étaient toujours dans l'attente de rencontrer des nouveaux auteurs et effectivement de leur laisser le la liberté de créer sans voilà, ça c'était assez formidable. Et c'est vrai que c'est un formidable tremplin d'avoir cette chaîne là qui est très à l'écoute, en tout cas de nouveaux regards, de nouveaux auteurs, de jeunes ou de moins jeunes. De toute façon, en tout cas c'est ce regard libre en tout cas qui sont en recherche et qui était bienveillant après. Vous avez dit, je crois, à peu près chacun, que vous aviez passé du temps quand même à rassurer les chaînes. Enfin, c'est un mot qui est revenu un peu plusieurs fois. Et je me demandais, est-ce qu'il y a, vous avez un projet de série, chacun, ou je sais pas, vraiment où vous dites, j'adorerais tellement faire ça, mais je sais que je pourrais jamais le faire. Est-ce que vous avez un projet secret comme ça? Moi, j'ai pas mal de projets que j'aimerais faire et qui sont très compliqués à faire, mais c'est pas. Ma peur est pas. Ce qui m'empêche de les proposer, ces projets-là, c'est pas la peur de la réaction de la chaîne. Parce qu'on risque rien, on écrit juste sur du papier, puis on propose, ils disent non. Mais c'est juste que je sais que ça nécessite trop d'argent et trop de moyens pour les faire aujourd'hui en France. Donc c'est. Ils sont dans un tiroir et j'en ferai soit de l'animation, soit du roman, soit autre chose, mais. Soit rien. Mais. C'est des projets que j'aimerais beaucoup faire. Il y a aussi des projets que j'aimerais beaucoup faire qui sont, et c'est aussi une question de moyens, c'est des problèmes de droit, adapter des bouquins, certains bouquins. J'aimerais beaucoup faire ça, mais voilà, c'est pareil, c'est probablement beaucoup trop cher pour les budgets qu'on a en France. Acheter les droits de bouquins de Philippe K. Dick, des bouquins d'acheter les droits de Dune par exemple, faire Dune en animation, en série d'animation pour adultes, ce serait dément. Et c'est beaucoup trop cher ou c'est impossible à avoir, donc voilà. Pas de projet secret, Sophie Non, mais après, on sent qu'il faut que les. On a tous des projets secrets quand même, mais après, on se dit est-ce que les chaînes. Ce qui a ouvert Arte est quelque chose de formidable, mais il faudrait que les autres chaînes aussi le fassent. Mais par exemple, juste. Je sais pas, une série avec un peu plus d'érotisme ou des choses comme ça, est-ce que c'est possible sans que ça soit vulgaire ou. Ils avaient fait voilà. Xanadu oui. Sur Arte. Mais est-ce qu'on montrait vraiment des choses? Un peu quand même. Mais non, mais et après, effectivement, des projets ambitieux sur en termes de budget, effectivement, ça donne envie de. Enfin, on a envie. Après, l'idée, c'est de pouvoir détourner ça et de toujours proposer ce qui est possible aussi de faire. Et je pense que nous, en tout cas, sur le projet de Trépalium, c'est un bon exemple. C'est comment, avec un projet ambitieux dans le concept, comment rendre ça faisable en termes de production. Enfin, de toute façon, on est toujours obligé. C'était intéressant. J'avais entendu une fois Vincent Cassel qui disait, de toute façon, il n'y a jamais le budget pour n'importe quel film, n'importe quelle série. On est toujours en dessous du budget de ce qu'on veut faire. Mais du coup, c'est de s'adapter à ce format-là. Et c'est pour ça que, voilà, en tout cas, il faut toujours penser comme ça. Dans l'écriture, c'est excitant. Même dans la réalisation, c'est excitant de se dire ça. Il faut, et peut-être c'est parce qu'il y a des projets comme ça que les choses vont évoluer. En termes de moyens, d'acquis, voilà, puisque Kadik est adapté par Amazon, voilà. Mais voilà. Mais pour la petite histoire, Sophie et moi, on s'est rencontrés en voulant adapter une nouvelle de Philippe Kadik. On était tout fiers, on avait écrit notre premier court-métrage ensemble. J'ai appelé le détenteur des droits, parce que Kadik était tombé dans l'oubli à un moment donné. Et j'ai téléphoné en Angleterre, puis après aux États-Unis, et le gars m'a dit non, impossible, je viens de vendre les droits de Minority Report à Spielberg pour $1 million, hors de question, même pour un court-métrage. Et donc, voilà. Sur Philippe K. Dick, apparemment, il y a des nouvelles qui sont dans le domaine public. Ouais. C'est les moins intéressantes. Donc, il a pas que écrit des trucs bien, il y a plein de trucs qui. Il y a beaucoup écrit, ouais. Donc voilà. Mais s'il y a des gens qui veulent adapter du Philippe K. Dick, théoriquement, c'est possible. Il y a des choses. Il y en a du pas très bon, mais il est pas bon. Ouais, voilà, c'est ça. Bonjour, Frédéric. Vous disiez tout à l'heure que quand vous travaillez chez vous, vous avez besoin de vos livres. Pourquoi, en fait? Comment ça se passe? C'est des dictionnaires, en fait. Ouais, voilà. Non, c'est des ouvrages de référence. Comment expliquer ça? Je travaille beaucoup, principalement au niveau de la phase de conception d'une série, mais aussi par la suite quand j'écris les dialogues. Je travaille beaucoup à partir de symboles, de mythes. Et donc j'ai énormément de points de référence dans ces domaines-là, dans lesquels je vais piocher. Je vais voir, par exemple, si je me rends compte qu'il y a un motif qui surgit dans ce que j'écris, qui est un motif de l'arbre. Je vais voir ce que ça veut dire, comment est-ce que le symbole de l'arbre a été utilisé dans tel et tel bouquin, dans tel et tel écrit, ce que ça veut dire dans l'histoire de l'humanité, comment ça a évolué. Je m'enseigne là-dessus. En fait, moi, j'écris pour apprendre, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc c'est à chaque fois des prétextes pour aller lire des bouquins et apprendre des trucs. Donc voilà, j'utilise beaucoup mes livres pour ça. J'utilise aussi pour aller voir comment d'autres ont fait avant moi en termes de romans, en termes de scènes, en termes de dialogues, donc de la littérature. Et donc il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de littérature, et j'ai aussi une batterie de scripts de pilotes américains dans lesquels je vais lire souvent pour voir comment ils ont fait pour tel et tel problème de scène ou tel. Donc j'ai besoin de tout ça autour de moi, sinon je peux pas travailler. Alors, ça sera la dernière question. Alors moi j'ai une question en fait sur vous êtes des auteurs en France, on aime les auteurs dans des pièces, on les aime pas sur les tournages. Comment ça se passe avec Arte et Trépalium ou même sur Odysseus, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez aller sur le tournage? Est-ce que vous avez une discussion avec le réalisateur, puisqu'il n'y en a qu'un sur votre série et c'est pas beaucoup? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bah, non, mais très simplement, on est passé sur le tournage hier, voilà, on a passé la journée. Après, il y a eu une urgence, un moment de tourner, ce qui fait que voilà, on aurait aimé pouvoir plus dialoguer avec le réal. Voilà, ça, pour des questions de calendrier, ça s'est pas passé comme ça. Nous, enfin, c'est sûr que de pouvoir suivre jusqu'au bout un projet, c'est absolument génial pour un scénariste. C'est sûr que ça se pratique pas énormément comme ça en France. Voilà, mais peut-être que tout ça va évoluer et que ça ira de mieux en mieux. Ouais, la même chose, il y a assez peu de séries en France sur lesquelles le scénariste est... j'allais même dire, on ne peut même pas dire le maître d'œuvre, mais en tout cas, ne serait-ce qu'un partenaire du réalisateur. Ça se passe très rarement comme ça, ça se passe sur un village français, mais parce que Krivine est Krivine et parce qu'il est coproducteur. Mais sinon, on reste encore majoritairement dans le modèle... traditionnel en France, qui est qu'il y a un scénariste qui porte un projet, tout d'un coup il y a un réal qui débarque et qui prend le projet en main et c'est lui qui gère tout à partir de là. Donc maintenant, moi je suis passé deux fois sur le tournage d'Odysseus, je suis pas passé sur le tournage d'Intrusion parce que j'étais trop occupé par ailleurs. Je suis pas un acharné du showrunning pour les auteurs, C'est un combat qui est noble et que, enfin, il faut qu'on puisse faire en sorte que l'auteur soit plus présent dans la décision qui arrive après les textes. Mais je pense pas qu'on arrivera à du showrunning rapidement. Je pense que la meilleure solution en France, parce que la culture est vraiment trop compliquée à bouger, notamment avec les réalisateurs, et on a de plus en plus de réals qui viennent en télé, qui viennent du cinéma. On vient les chercher parce qu'ils ont un univers visuel et parce que voilà, on veut élever le niveau et ça rassure. Mais alors ces gens-là, en termes de culture de travail, on est très très loin de, ils sont très très loin d'accepter l'idée du showrunning, quoi. Et même si les jeunes générations sont plus ouvertes à partager le pouvoir et partager la vision, mais la solution la plus réaliste pour moi, en tout cas, à relativement court terme, c'est un showrunning à trois têtes où il y a vraiment un trio qui fonctionne et qui va dans la même direction, d'auteur, enfin scénariste, réalisateur, producteur. Et déjà ça, c'est pas évident. Donc déjà, sauf que aux États-Unis, c'est quand même le créateur de la série qui est le garant, qui est le mec qui embauche tout le monde, qui est le mec qui valide tout, en tout cas toutes les décisions artistiques, qui embauche, qui vire, qui valide et qui garante la vision artistique. Ce qui est paradoxal et dangereux, et ce qui fait qu'on a, c'est une des raisons qui font qu'on a des mauvaises séries jusqu'à présent en France. À quelques exceptions près, c'est parce qu'on a un scénariste auteur qui porte une vision pendant 3 ans, 4 ans avec un projet qu'il écrit, et tout d'un coup le relais est pris par un réalisateur qui parfois va respecter ça, mais parfois et souvent ne va pas respecter ça, il va amener sa propre vision d'auteur parce que le réalisateur vient de l'école du cinéma principalement en France, et l'école du cinéma pour les réalisateurs en France, c'est le réalisateur est l'auteur et c'est lui qui porte la vision. Donc on a deux visions qui viennent se confronter et c'est extrêmement dommageable. C'est pas toujours le cas. Et quand on a des gens qui sont raisonnables et qui peuvent discuter, qui n'ont pas un ego surdimensionné, on est capable de faire la transition harmonieuse entre les deux visions et ça peut se passer correctement. Mais c'est quand même un gros problème qu'on a en France, qui est totalement absurde, je trouve. Enfin, ce mécanisme est absurde. Cette transition de la vision d'auteur qui change en fonction des deux personnes, scénariste puis réalisateur, c'est absurde. Donc il faut que ça change. Je sais pas comment, mais il faut que ça change. Sur ces derniers mots, je vais vous poser juste une dernière question pour boucler. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Qu'est-ce que vous lisez qui vous stimule, qui vous donne envie d'écrire, qui vous emballe en ce moment? Juste quelque chose qui vous plaît à suivre en ce moment? Série, film, livre, intéresse peut-être? Je cherche un peu une nouvelle série. Je suis en train de voir Hannibal. The Affair, mais j'ai un peu envie de revoir un peu des choses de cinéma. D'accord. J'ai un peu décroché, voilà. Mais moi, en tout cas, moi, je me nourris énormément de. Enfin, je pense que ce qui nous habite dans les nouvelles générations, c'est qu'on est des sériephiles, des cinéphiles. Et ça, c'est et même chez les nouveaux producteurs aussi, il y a cet aspect-là, ce qui n'était pas totalement le cas il y a quelques années, en tout cas pour la série. Mais on se nourrit beaucoup de ça, même dans nos écritures, dans la vision, voilà. Sophie, C'est vrai que on a mangé beaucoup de séries pour Trépalium, pour l'écriture. Enfin, là, la dernière, moi, que j'aime beaucoup, c'est Master of Sex. D'accord. Mais c'est pareil, quoi. Au bout d'un moment, une espèce d'overdose de séries. En plus, il y a tellement de choses, on a l'impression qu'on ne peut jamais tout suivre. Et c'est vrai que j'ai un peu envie de revenir aussi dans les visionnages au cinéma. Enfin voilà, là j'étais sur Master of Sex. D'accord. Frédéric ? C'est marrant parce que j'ai dit un peu la même chose. J'ai bouffé des tonnes de séries pendant très très longtemps. Je regardais à peu près tout ce qui sortait, vraiment. Et depuis quelques mois, là, j'ai plus cette envie-là. Et je suis en retard sur plein de séries. J'ai pas vu Fargo, j'ai pas vu The Affair, j'ai pas vu... la saison 2 de Rectify. Il y a plein de choses que j'aimerais voir mais que j'ai pas vu encore, et j'ai à vrai dire pas vraiment l'envie en ce moment. Je me replonge dans la littérature du 19e française et américaine, et c'est ce que je lis principalement en ce moment, et aussi des essais de mythologie comparée et de d'histoire des religions, beaucoup, voilà. D'accord. Donc Zola, Balzac, là je suis en train de lire La lettre écarlate de Dawson, et voilà. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Merci à vous d'être venus écouter. Je vais vous demander d'applaudir donc Sophie Yette, Antares Bassis et Frédéric Azemar.